vous les copains, tous ensemble, vous les copains, on est bien, vous les copains, tous ensemble, on est bien, vous les copains, car on suit le même chemin, vous les copains, vous les copains, car on suit le même chemin, les copains, tous ensemble, vous les le copains, même on suit vous les copains, bien vous les copains, le chemin.